3 sous-près. Ah, administration. Une fenêtre. Une fenêtre ouverte, des fenêtres fermées. Une ouvreuse. Une tourterelle perchée à la cime d'un arbre. J'ai des dés. À côté, une merle. La blague des goûts. Buisson musical. Le sol est mouillé, il a plu, il a plu, il a plu, il a plu, il a plu, il a plu, il a plu, il a plu. Ah, mais c'est la porte. Il y a de l'herbe. Vélo. Garage à vélo. Des briques et des oiseaux, des briques et des arbres et des fleurs et des voitures et des angles et des portails et des balcons et des plaques, des poubelles, le numéro 48, des fenêtres, des verres, des routes, des panneaux, oui, des trous dans les arbres. Ah, et la clinique. Les jambes. Les jambes. Les jambes. L'étude.